Oh, and the last thing was Olivia Gondek. It says that I wanted to eat her pussy, Olivia Gondek. I've never said that in my life to her. I would never do that. I'm happily married. I've got more than enough to eat at home. Thank you very much. De Rob Ford et Fatima Houda Pépin. On a bien peu parlé du fait qu'il fêtait ses 34 ans jeudi. Accueillons donc votre jubilaire et animateur, Jean-Philippe Vautier! Hey, boy, boy! Hey! Bonsoir tout le monde! Eh bien, il est à peine 19h. La soirée est encore jeune, mesdames et messieurs, ce qui va nous laisser amplement le temps de nous remettre. Fred Savard, bonsoir. Bonsoir, oui, mais nous remettre de quoi exactement? Ben, voyons donc, de toute la semaine. Ah ouais? Voyons, Guy Turcotte, Magnotta qui est revenu dans l'actualité, la charte, encore la charte. Hey, ça va nous faire des belles discussions de famille en dessous du sapin, ça. Ah non, hein? Mais moi, quand j'ai vu ça, j'ai cancellé Noël, je m'en vais dans le sud. Ah ouais? Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Moi, pour moi, il y a une couple de libéraux qui auraient aimé ça être dans le sud cette semaine. Ah ouais? Non, ah, si, ouais? On dirait que le sud m'attend moins. Là. Ah non, mais c'est large, le sud, c'est grand. Ah ouais. Grand. De toute façon, eux autres, le sud, je pense c'est la Sicile. Hein. C'est, ouais. Pas, ouais. C'est plus ça. Je vais aller à Punta Cana, moi. Ouais, c'est ça. Moins cher aussi. Faut avoir des amis pour la Sicile. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. On a commencé avec Jean-Marc Fournier, hein. Je sais pas si vous avez, oui, suivi ça, qui a fait un petit raccourci. Oui. Un petit raccourci entre la charte et la nuit de cristal en Allemagne, en 38. Bon, c'était tout un raccourci, t'es pressé? Ouais, ouais. T'avais pas le temps de faire des détours. Ouais, il s'en allait à Godwin, je pense. Ouais, hein? Ouais. Ouais, il est arrêté. Prendre un petit café, il y a des Tim Hortons partout à cette heure. Hein? Ouais, ouais. Sinon, il y a le critique en matière de laïcité, je sais pas si vous avez vu ça, Marc Tanguay, qui a dit qu'il accueillerait des candidates portant le tchador à bras ouverts. Hein? Ouais, en même temps, une candidate complètement voilée, ça nous changerait quand même des politiciens avec des visages à deux faces. Samedi matin, t'es bon, ah ouais, ça. Samedi ah, matin, ouais. Chacun son créneau. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre cette semaine? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Fatima Houda Pépin, hein, qui est finalement sortie de sa tanière cette semaine. Ouais, ouais. Hein? Puis? Ouais, puis finalement? Puis? Ben, je pense que l'hiver va durer au moins 6 semaines. Ah ouais, hein, ça va, ouais, être ça. C'est ça, c'est. OK, marmotte, ha ha ha, mais quand même, elle a eu du courage, là, faut le dire. Oh oui, non, c'est. Pour être dissident au PLQ, ça prend des couilles. Ouais. Pour vrai, là. Ouais, non, mais. Mais es-tu encore dans le parti, là? Ben, c'est ça. Philippe Couillard a dit, hein, puis ça, c'est important, ouais, que si elle démontrait un geste d'ouverture, elle pourrait réintégrer le caucus libéral. Ah, ça, ouais. C'est quoi un geste d'ouverture pour Couillard? Ben, je pense que c'est pour nous qu'elle se mette un voile sur ses opinions, puis qu'elle se ferme à la gueule. C'est bien correct. Ah, honnêtement, là, il n'y a pas de. Son courtois au Parti libéral, il n'y a pas de. Ouais, ouais. Tant que tu te fermes la gueule, ils sont bien ouverts. Ben, ouais, non, la diversité d'opinions uniques, c'est très important au Parti libéral. En tout cas, mais sinon, ça a été une très belle semaine pour le Parti québécois. Oui. Hey, pas de scandale, presque juste du positif. Mais là, il n'y a pas Drainville qui a fait un faux pas, là, mais bon, ça, j'ai vu ça passer. Je veux dire, gars, non, ben, t'as peur avec tous ceux qui ont fait de pain et bout. Là, lui, on va le compter dans la colonne des positifs. Ah, ouais. Parce que, regarde, qu'est-ce qu'il a fait au non, jeu, non, c'est ça, ça il a acheté de la publicité gouvernementale dans le feuillet paroissial de Saint-Antoine de Padoue et du Bon Pasteur. C'est pas une blague. Ouais. Ouais. Mais là, franchement, rendu là, s'il voulait rester anonyme, il avait juste à acheter de la pub à Espace Musique, là. Je veux dire. Sinon, ben, ça a été la première semaine du maire Coderre. Eh hein, oui. Tout le monde, et on va se le dire, Montréal va beaucoup mieux. Non, mais c'est clair. Hein? Oui, on le sent, ça. Et là, depuis qu'il a été assermenté, le Canadien a pas perdu. Je pense que le message a passé, là. Son assermentation était hier. Ouais, mais puis, ont-tu perdu? Non, mais je vois pas. Ils ont-tu perdu? Non, ils ont pas. Bon. C'est correct, bon. C'est positif. Ah, en tout cas, ça va mieux. Hein? Et je suis très, très fier d'être Montréalais, tout le kit. Là. Ah, ouais, non, mais on pourrait être Torontois, là. Faut pas oublier. Ça, je ne souhaiterais pas ça à mon pire ennemi. Ah, non. Non, mon pire ennemi. C'est qui votre pire ennemi? On a-tu des noms? Non, ben là, je suis respectueux. Par souci d'anonymat, je ne le nommerai pas. Okay. Et de toute façon, je pense que dès que sa poursuite est réglée, il retourne à New York. Ah, il n'y a pas de. Il passera pas par Toronto, de toute façon. Il n'y a pas de. Sinon, quoi d'autre? Ah, ouais, ben, on parle de Toronto. Rob Ford. Paul, hein? Hey. Une autre tuile. Oui. Tout que des tuiles, lui. Hein? Pour moi, il va faire son plancher dans pas longtemps. Il y a un grand plancher. Non, mais la dernière tuile, en fait, paraît qu'il aurait été vu en train de ramener une escorte à l'hôtel de ville en fin de soirée. Mais hein? Une escorte comme un garde du corps, là, genre? Non, en plus, une escorte genre madame, là. Mais là, des gardes du corps féminins, vous savez que ça existe. Il y a des femmes qui sont très fortes maintenant. Ha ha ha! On fera pas un dessin, là. Escorte, madame, joue au foufoune. Ah, ça! Oui, je le dis. Franchement, il peut pas descendre plus bas, je pense. Qu'est-ce qu'il peut faire pour descendre plus bas, là? Ben, je pense qu'il restait d'avoir une émission à Sun News. Ah. C'est fait. Ah, bon. Ouais, ouais. C'est fait. Il commence la semaine prochaine. Lundi 20h, ratez pas ça. Mon Dieu, j'ai hâte de continuer à pas m'abonner à Sun News. Ouais, non, mais ça, c'est un plaisir renouvelé à chaque jour. À hein. chaque jour. J'appelle, moi. Ah, ouais. Suis-je abonné? Non, parfait. Bon. Tous les matins. C'est un rendez-vous matinal, moi. En tout cas, nos invités de ce soir ne sont pas prêts, hein, d'avoir une émission à Sun News, ça c'est clair. On reçoit tout d'abord l'humoriste Guy Nantel. Ouais. Le Yvon Deschamps des pauvres, hein? Ben. C'est pas. C'est pas super gentil. Ben, non, mais je veux dire, non, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire, les pauvres aussi, on le doit d'avoir des humoristes qui les font réfléchir. Je veux dire, ils sont pas obligés d'avoir Mike Ward tout le temps, là. Non, je comprends, mais ouais, franchement, je trouve pas ça. J'ai été mal cité, là. Ben ouais, visiblement. Sinon, on reçoit également Vincent Vallière à l'émission ouais. d'État d'Europe. Ouais. Le Bob Dylan des pauvres, hein? Ben non, mais les pauvres ont le droit d'avoir des chanteurs de qualité, là. Ils sont pas poignés avec tout le temps Caïn et Marc Dupré. Ben non, c'est pas. Le bel bon, élitiste! Ben... Le bel élitiste, voilà! En espérant que nos invités aient le temps de se défâcher, parce que la soirée est encore jeune! Oh, boy! Hey! Prenez le gros niquette! Il est parfait. Oui, vous pouvez nous suivre sur twitter.com/lasoirée, facebook.com/lasoirée est encore jeune, et sur notre site radio-canada.ca/lasoirée, où vous pourrez lire l'ancien ministre et apprenti climatologue Jacques Brassard parler de masochisme climatique, d'escadrons écolo, de gourous verdoyants et de névrose carbonique. C'est comme un poème en l'honneur de la gasoline. C'est beau, c'est touchant. J'adore ça. On passe au courrier des auditeurs. Oui. On a d'abord Marie-Pierre Bonin qui nous écrit « Demande spéciale, pouvez-vous faire rejouer l'extrait où Jerry Sklavounos parle de Fatima Ouda Pépin? » Ben certainement, maestro! Selon le Journal de Montréal, on dit qu'il y a un certain malaise à l'intérieur du caucus parce que la députée Fatima Ouda Pépin ne serait pas nécessairement à l'aise avec la position de son parti. Est-ce que c'est vrai, ça? Ben, connaissez-vous Fatima Ouda Pépin? Non. Ben, il y a souvent un malaise avec Fatima Ouda Pépin. C'est rien de nouveau! Ouais, il y avait un malaise il y a 2 mois, imaginez maintenant. Rappelons que M. Sklavounos est un libéral. Enfin, on a Patrice Mondor qui veut savoir pourquoi le encore est entre parenthèses dans le titre de votre émission. Ben, c'est pour souligner l'insoutenable légèreté de l'espace-temps sur lequel repose cette conjonction qui met l'emphase sur la relativité de la soirée en question. Aussi simple que ça. Merci. Oh, on va aller rejoindre Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien, vous en êtes où? Ah, bon, Jean-Philippe, comment allez-vous? Ça va pas pire. Oui, beaucoup d'émotions dans l'air aujourd'hui. Vous le savez probablement. Oui, c'est déjà la fin de mes séries sur les politiciens municipaux, mon père. Ouais, ça a passé vite. Ah, c'est malade. Je sais. Et j'ai décidé, en revanche, de terminer de façon assez spectaculaire, Jean-Philippe. Vous le savez probablement, la semaine dernière, j'ai interviewé Philippe Schnob, candidat d'essai dans la circonscription Village Gay à Montréal. Mais bon, Jean-Philippe, il y avait quand même un peu d'espoir. Il était actuellement en recomptage, donc il espérait peut-être gagner. Mais vous le savez, la nouvelle est tombée ce matin. Après le recomptage, il est toujours défait. Alors, j'ai décidé de manifester pour défendre le pauvre filou. Et j'exige, à compter de maintenant, un autre recomptage. À force, il va bien finir par réussir quelque chose. Oui, ça fonctionne pas nécessairement comme ça, Jean-Sébastien, vous le savez. C'est pas... Pour manifester mon indignation, j'ai décidé de faire comme cet artiste russe, sur la place rouge cette semaine. Ouais. Oui, exactement, Jean-Philippe. Je vais me clouer les rubignoles devant l'entrée principale de Radio-Canada. Je serai là, je vais me faire clouer les schnobs pour Philippe Schnob. C'est très, très niaiseux, hein? Ouais. Extrêmement niaiseux, Jean-Philippe. Et pour débuter le tout, je me dirige actuellement vers la quincaillerie située tout près de Radio-Canada. Évidemment, pour acheter clous et marteaux, je vous retrouve donc dans quelques minutes, mon bon Jean-Philippe. Ça, c'est encore une raison pour vous montrer à Zouine à radio, ça, Jean-Sébastien? Oui, effectivement. Évidemment, à ne pas écouter à la maison si vous avez des écouteurs, vous pourriez vous perforer les tympans. Humour social. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Notre premier invité, Fred. Il est un des rares humoristes à pratiquer l'humour social et politique depuis plusieurs années partout au Québec, sauf à Repentigny. Accueillons Guy Nantel! Hey! Guy! Salut, salut! Bonsoir tout le monde. Écoute, public en feu. C'est, ben le non, c'est une des rares émissions où il y a plus de monde en studio que l'écoute à radio. Ouais, je... Hey, c'est... Je veux aussi saluer et envoyer chier Fred Savard qui m'a insulté. Et je voulais aussi profiter de l'occasion de, pour y rappeler quand il avait passé l'audition à Laval pour faire mon gala juste pour rire, puis qu'il s'était rendu compte que quand il n'y a pas d'animateur de foule, c'est plus difficile de faire réellement. Et j'en profite pour saluer l'autre gars qui sert à rien puis qui est payé avec l'argent de nos. Salut! C'est Olivier Niquet de son nom. Oui, ouais, je faut le connais. Non, faut qu'on se le rappelle à chaque semaine. Un grand fan du pornographe, je te le dis. Oui, ça, c'est vrai, ouais. Notre vieille émission, là. Oui, hein? C'était bon dans le temps qu'il y avait le gars pas de cheveux. Oui, oui, oui. On était. Ben écoute, Joseph, faut se dire une chose, hein. On parle politique maintenant, fait que c'est plus difficile, hein, cet humour-là. Ouais, faut être plus intelligent que ça. Absolument. Ouais. Comme toi, un peu, hein. Intelligent ou. Ouais, non, je sais pas, je lance ça. T'es... Oui. Oui, oui, je suis assez intelligent. Là, il y a une rumeur qui court. Il y a une rumeur qui court, on va corriger ça tout de suite. Là. Okay. Il paraît que c'est drôle, le dernier show de Guy Nantel. Enfin. Voyons donc. C'est mon quatrième. Ouais. Ça n'a pris quatre finalement. On a mis toute la gomme. C'est ça. Non, mais c'est rare qu'on soit un humoriste à l'émission, premièrement, parce que c'est nous autres qui est drôle, normalement. Oui. Puis, non, mais c'est un quand d'autres sont drôles à la place de nous autres. Oui. Et en plus, avec ce nouveau show-là, on sait que vous allez être sur la route pas mal. Tout le temps à partir de maintenant. Et il y a eu des critiques dithyrambiques. Oui. On t'a même. Je sais plus quoi. Vous voyez, tutoyer, je sais plus. Ben là, depuis le temps qu'on se connaît, tu peux me vouvoyer. Ouais, ça fait pas longtemps. Ah ouais, tutoie. Non, mais les critiques dithyrambiques, on a comparé Guy Nantel à Marc Laurendeau, ben, au cynique en fait, et à Yvon Deschamps. Ah, j'ai pas vu ça, mais OK, c'est flatteur dans les deux cas. C'est, je regarde peut-être pas les dates de spectacle, mais on regarde pas nos critiques. Ouais, c'est ça, moi j'ai des critiques quand même, je fais notre job. En tout cas, ben, je vous l'annonce, hein, vous êtes comparé au prochain Yvon Deschamps ou au Yvon Deschamps des années 2000. C'est extraordinaire ça. Ouais. On part comment avec ça dans la vie? Ben, ça fait du bien. Hein? C'est comme jouer au hockey et être comparé à Mario Lemieux. C'est plus le fun que Turner Stevenson, mettons. C'est ça. Mais Turner a une longue carrière quand même. Aussi. Pas de problème non, de dos, chacun son créneau, comme tu disais tantôt. On a reçu Marc Laurendeau la semaine dernière. Oui. On parlait justement d'humour social, humour politique, qui est un humour qui est difficile à faire. Et dans le dernier livre qui a été publié sur les cyniques, justement, par l'auteur Robert Herd, il dit « Les cyniques ne craignaient pas de diviser le public. Des gens pouvaient quitter la salle en plein spectacle. C'était pareil pour Yvon Deschamps. Et aujourd'hui, Guy Nantel est à fond là-dedans. Il est un des rares à cultiver le malaise et l'ambiguïté. » Ouais, il a bien raison. C'est ce que j'adore, diviser le public. Est-ce que en fait, on fait tout va? Ça. Mike Ward, il divise le public féminin dans les bars quand il joue. Mais moi, c'est vraiment tout le monde. J'essaie de semer la controverse, de toujours marcher sur une ligne fine, d'amener le monde juste à la limite de leur zone de confort. Parce qu'il y a des gens qui sortent pour vrai? Non, il n'y a personne qui n'est jamais sorti, sauf des crises cardiaques ou des affaires de même. Là, mais en général, ils restent jusqu'à la fin. Ça, c'est le fun, par exemple. Mais des crises cardiaques pour vrai? C'est déjà arrivé une fois, par exemple. Ouais, j'ai arrêté un show en plein milieu parce que quelqu'un... Le monde, hein, pas de respect ça, pour c'est les dur artistes. De... C'est dur de recrinquer à foule après ça. Franchement, ouais, mais là, manque de respect. C'était au gala Juste pour rire que j'animais à Place des Arts, là, à Wilfrid Petit. Il y avait 3000 personnes. Puis en plein milieu du gala, qui est télévisé en plus... Quelqu'un s'effondre de même. Puis là, j'ai crié, y a-tu un médecin dans la salle? Tout écoute, il en est arrivé à peu près 20. Ah. Puis là, j'ai dit au gars qui a eu sa crise cardiaque, une chance, c'était pas d'un hôpital, mais bien à Place des Arts, qu'il y ait 20 médecins qui s'occupent ben, de toi. En même temps, j'aurais tendance à dire, une chance, c'était pas un show de Philippe Bond, parce qu'il y a pas eu beaucoup de médecins. Bon, je sais pas si j'avais le droit de la dire, celle-là, mais je le trouvais drôle. OK. On se pose la question parce qu'on a Fred Savard ici qui a été dans les apartistes et qui a fait aussi dans l'humour social, l'humour politique, un humour qui dénonce. Plus maintenant, hein, j'ai arrêté. Là. Dans les humour social. Ouais, non. Vous avez décidé de faire de l'humour maintenant. Mais ça, on aime ça. Mais c'est qui votre public? Le public visé, c'est mon qui? Mon Dieu. Pour vrai, là, moi, j'analyse jamais ces affaires-là. Je pense pas à ça. Moi, là, le public. C'est peut-être pour ça que ça a pris quatre spectacles. Non, mais ça se peut. Mais pour vrai, mais tu dis à blague, mais ça se peut. Parce que moi, j'ai jamais été opportuniste de ce côté-là, puis essayer d'étudier. Puis même à un moment donné, j'étais avec un producteur qui voulait faire des études de marché, tout ça. Moi, j'étais totalement contre. Y a des publicités, en fait, qui ont fait beaucoup parler. Des publicités de Guy Nantel, qui étaient affichées un peu partout autour de l'île de Montréal. avec le titre du spectacle, corrompus. Ben, sauf à Repentigny. Parce que ça affichait donc « Vous entrez en territoire corrompu, ouais. guinantel.com ouais. » Et le directeur général de la ville de Repentigny a trouvé ça un peu élevé. Ouais. Il a demandé de faire enlever cette, cette publicité-là. Étonnant pour la ville du bonheur, soit dit en passant. Ouais. Hein? Mais le bonheur a un prix. Ouais, on dit un bon. mais n'empêche, c'est fun, la publicité gratis de même. Je veux dire, c'était cœur, hein? Écoute, pour vrai, là, on aurait planifié ça, qu'on serait dit « Il y a une chance sur mille que ça marche. » Mais là, je savais, en ayant ce flash-là, je me suis dit « Ça va faire jaser. » Puis à la limite, je me disais même « Ça se peut qu'il y ait des villes qui téléphonent au bureau de production et qui disent « Gars, on trouve pas ça drôle. » Mais qu'ils fassent enlever ça, puis qu'ils appellent chez Astral et qu'ils disent « T'enlèves ça. » Parce que les panneaux d'Astral sont sur les terrains de la ville, souvent. Là, j'ai trouvé ça assez fort. Ben, ça évidemment, ça. Quand les journalistes sont mêlés de ça. Écoute, même cette semaine, lundi, je crois, ou mardi, au conseil municipal de Repentigny, une grande portion du pour débat, c'était sur mes pancartes encore. Fait que ça continue. Puis c'est ça, c'est la polémique, c'est de la controverse. Est-ce qu'il y a des spectacles à Repentigny? Ben, il n'y a pas de salle de spectacle à Repentigny. Ah, ben c'est ça. C'est ça. Mais ils sont en construction pour une. Puis c'est pas impossible que ce soit pas moi qui fasse l'inauguration. On le souhaite quand même, ça serait très drôle. Parlons un peu du spectacle, donc corrompu. Oui. J'en parlais tout à l'heure avec Fred, que je disais, bon, l'humour politique. Puis Fred me disait, mais non, mais dans son spectacle, il n'y a pas que de l'humour politique, en fait. Mais c'est ce que j'ai lu, en fait, je n'ai pas vu mon non, encore. Non, mais il a raison, tu as tout à fait raison. On parle de quoi dans ce spectacle-là? Ben, c'est parce que moi, j'ai souvent l'étiquette d'humour politique, ben mais oui. J'ai l'impression de faire plus d'humour social que politique. Mais pour moi, la politique fait partie de quelque chose de plus grand qui est la société, tu sais. Fait que j'aime ça ratisser un petit peu plus large que ça. Et là-dedans, je m'inclus. J'inclus le public qui est dans la salle, j'inclus tout le monde. Fait que c'est pour ça que je dis, les gens souvent s'attardent juste au fait que je parle des politiciens, puis c'est une grosse partie de ça, parce que c'est eux autres qui sont en situation de pouvoir, mais moi, je trouve que c'est bien important aussi de ratisser plus large. Fait que je parle de tout le monde. Je parle, moi, corrompu, dans le fond, c'est sur la corruption de l'âme. C'est sur le fait que là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Fait que je pense pas qu'en changeant juste le nom, des fois, on dit, à part des cas comme Rob Ford, là, qu'on dit, si on change le gars, ça va améliorer les affaires. mais bien souvent, c'est plus le système. Puis le système, ben on l'encourage tous d'une certaine manière. Fait que c'est pour ça que je frappe. Fait que finalement, c'est l'humour social au complet. Il n'y a pas de relation homme-femme, là, tu sais, puis d'histoire de glissade d'eau. À la limite, tu peux y avoir quelques gags parce que tout, tu sais, tous les chemins mènent à Rome. Ben, je comprends. Temps, ça fait rire. Quand t'as un bon gag, ben t'as un bon gag. Ça, là, ce serait pas le temps que Guy Nantel se parte à un vrai parti ou se soit candidat dans une circonscription quelconque? Moi, lâcher la job où t'es le plus aimé pour la job où t'es le plus haï, c'est pas quelque chose que je ferais a priori. C'est pas dans ma nature. T'sais. Puis en plus de ça, faire partie d'un parti, c'est impensable pour moi. Je me ferais mettre dehors après une journée. Je suis très désagréable avec tout ce qui essaie de me diriger et qui essaie de me contrôler. C'est possible d'être dissident. Regarde au PLQ. Ben ouais, Fatima Oudapépin s'en sort très bien. Oui, mais on verra demain. Non, mais c'est ça. Malheureusement, la maudite ligne de parti, puis je trouve ça bien hypocrite parce qu'on nous fait croire dans ce système-là qu'on vote pour des gens qui nous représentent dans notre circonscription, mais un coup qu'ils sont rendus à Ottawa ou à Québec, tout ce qui compte, c'est la ligne de parti. Et s'ils n'étaient pas si hypocrites que ça, ils changeraient le système pour faire en sorte que les votes qu'on fait à l'Assemblée nationale sont des votes secrets. Et à ce moment-là, il n'y aurait plus de ligne de parti. Puis votre nouvelle amie, est-ce qu'il y a des gens qui voulaient applaudir, non? Oh oui. Non, mais c'est correct. Quand même, hein? Non, mais c'est parce que je chantais qu'il y avait quelque chose. Puis là, les gens sont gênés. Mais tu sais, il y a bien des jeunes, là, puis sûrement qu'il y en a qui étaient et qui sont encore carrés rouges. C'est ce que les politiciens leur reprochaient beaucoup, de faire les votes à main levée, puis de dire, ouais, c'est facile de faire de la pression. Puis après ça, les autres se retournaient de bord, puis ils faisaient la même affaire. Mais je suis pas pour les carrés rouges, soit dit en passant. Je suis à la fois contre vous autres et contre les politiciens. Ah ouais? Contre tout le monde? Ben, est-ce que vous êtes contre Coderre, votre ami qui est maintenant rendu à la mairie de Montréal? Mon grand chum, écoute. Ben ouais. C'est ce que je disais. C'est notre version plus socialement acceptable de Rob Ford. Eh bon! Mais au moins... Ça me semble être un raccourci. Au moins, il va durer plus longtemps. Non, mais cette joke-là, je l'ai sorti avant, là, comme il y a à peu près une semaine, mais c'était dans sa face. Hein, il était là à Place des Arts le soir. Puis, de la première. Il l'a bien pris? Il l'a bien pris. Sérieusement, c'est une grande qualité qu'il y a. C'est un... probablement le politicien qui est le plus bon joueur. Il prend très bien les jokes. Puis je trouve ça le fun, moi. Je trouve ça vraiment Vous cool. Direz de revenir à l'émission parce que depuis la joke qu'on a faite avec lui en décembre passé, il revient plus. Ah, tu vois? Non. Mais avez-vous fait quelque chose de c'est une joke d'enveloppe comme ça, Charbonneau. Ouais. Ça n'a fait de rien. Il n'y avait même pas de. Ouais. Regarde, ben là, c'est parce que si tu tombes dans la vérité, là. Il va moins aimer ça. Là. Bon, ben celle-là, ce boulot, on va s'assurer de le garder. Ouais. Excellent. Merci beaucoup, Guy Nantel. Vous restez avec nous. Ben oui, avec plaisir. Génial. On a pas beaucoup parlé de ce qui se passe en France avec la ministre de la Justice, victime de racisme, hein, mais heureusement, on a trouvé quelqu'un qui le fait très, très bien. On écoute notre ami Jean-Étienne Deux. Vous écoutez le Radiovision Kato Strat AM, Jean-Étienne Eudes au microphone, gros love Gladys derrière la console. Alors ce matin, permettez-moi de dénoncer ce qui se passe dans notre mère patrie, la France. Cette terre qui nous a donné la révolution, l'égalité, la fraternité, le petit chanteur Jordi, mais qui maintenant ne nous donne que du purin. Je parle ici bien sûr de l'affaire Christiane Taubira, la ministre de la Justice que des journaux de droite ont comparé à un singe qui mange une banane. Non seulement c'est une attaque raciste, mais c'est en plus une attaque misogyne, puisqu'on sait très bien que la banane peut vaguement rappeler le phallus de l'homme non circoncis, si bien sûr la banane n'est pas dénudée de sa plume. Mais là n'est pas le problème. Est-ce que notre Québec pourrait succomber au champ putride du dénigrement ethnique? Malheureusement, je crois que la réponse est oui. Qui a vu le ministre de la Culture cette semaine? Personne. J'ai bien peur qu'il se taire pour ne pas être victime des mêmes colibés. Il cache sa négritude comme un caméléon blessé, alors qu'il pourrait tant faire pour la culture noire au Québec et repousser le racisme larvé des Québécois. Un racisme qui s'exprime en trois phases. D'abord, ce projet des valeurs rhodésiennes, l'acharnement du Parti québécois à conserver le crucifix du Jésus blanc à l'Assemblée nationale et finalement, l'acharnement du Michel Therrien envers Piqué-Souban. On le dit, la sagesse populaire nègre a pas tout dit, mandé moun, enfin. Je vais pas tout le dire puisque tout le monde le connaît, ce proverbe qui est rendu dans la culture nationale. Ça ne sert à rien de demander à quelqu'un d'être droit comme un piqué s'il a grandi tordu comme un hameçon. Et le racisme québécois est bien l'hameçon auquel mordent trop de crapets. On va aller prendre une pause intellectuelle avec Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien! Ah, mon bonjour Philippe. Alors, je vous rappelle que je m'apprête à me clouer les valseuses sur le parvis de Radio-Canada pour que Philippe Schnob obtienne ce deuxième recontage. Mais avant, évidemment, j'ai besoin de matériel. Alors, je suis à la quincaillerie, tout près de Radio-Canada. Je suis avec Mario, un vendeur, par ailleurs fan de l'émission. Bonjour Philippe. Je dois avouer que ça m'étonnait un peu. Je croyais que notre auditoire était scolarisé, mais... Alors, bonjour Mario. Allô, ça va bien? Oui, merci beaucoup. Alors, je vous ai contacté hier, vous avez accepté généreusement de prendre le temps de me préparer du matériel, parce que quand même, vous devez être très, très, très occupé. Est-ce que l'achalandage a augmenté ici, à la quincaillerie? Est-ce que tout le monde se garoche pour acheter des clous pour se fixer le berlingot au sol depuis des semaines? Ben non, ça m'a étonné. Cette semaine, le plus gros vendeur, c'était pas les clous, c'était les figurines de Rob Ford. C'est vrai, il y a des figurines ici, elles sont pour vrai dans l'entrée ici. Alors, à ma demande, vous avez préparé un nécessaire clouage. Alors, qu'est-ce que ça comprend exactement, Mario? Ben c'est ça, c'est ce que j'ai vu que le gars qui avait ça en Russie, c'est sur un plancher de briques, puis là, comme si tu veux pas endommager le plancher, normalement, le best, c'est de tu prends une mèche avec une perceuse, donc j'ai une perceuse ici, une belle Makita, donc tu prends la mèche, tu fais un trou, ensuite tu insères une cheville, donc comme si tu fais ça, de bien le clouer sans trop endommager le plancher, ça c'est le premier, après ça, bon, j'ai des clous, une bonne largeur ici, vous voyez que des vis aussi, des vis, ça va mieux tenir, ça dépend de l'épaisseur du scrotum, mais c'est toujours ça long. Ouais, c'est quoi qui fait le mieux, là, je sais pas si t'as le scrotum épais, j'entends dire que oui, parce que c'est à toi de voir. Alors, est-ce que je peux vous tenir à Radio-Canada avec moi? Ça se peut que j'ai besoin d'un coup de main. Et aussi, ça serait pour vous l'occasion de rencontrer Guy Nantel en personne? Ben, pour te manipuler par Tignital, je laisserais plus ça à Philippe Schnob. Oh mon Dieu, quel malaise, je vous remercie. Vous êtes conscient que vous servez absolument à rien à la société, hein? On se retrouve pour le grand clouement dans quelques minutes, j'en fais. D'une inutilité notoire. Écoutez, La soirée est encore jeune, animée par Jean-Philippe Vautier sur les ondes de Ici Radio-Canada Première, une émission qui trouve qu'un nouveau procès pour Guy Turcotte donne envie de se caler une pinte de lave-glace. Eh, hey, bon boy! Comment je justifie ça, mon boss? Sortez nos codes d'écoute, ça va être suffisant. Bon, Fred Savard, soyez meilleur. Je vais essayer, mais ça a été une semaine difficile pour me trouver un sujet inspirant, je l'avoue. Et vous savez que quand, dans ces moments-là, moi, je me tourne souvent vers nos invités pour leur rendre un hommage bien senti. Bon, sauf qu'il faut minimalement qu'ils aient une longue feuille de route. Et cette semaine, malheureusement, nos invités sont bien trop jeunes pour entrer dans mon panthéon. Et c'est difficile de rendre hommage à Guy Nantel et Vincent Vallière, deux de mes contemporains et deux artistes avec qui j'ai eu presque le plaisir de travailler. Nantel, avec qui j'ai partagé l'antenne de l'émission Il va y avoir du sport sur les ondes de Télé-Québec. Une émission qui comportait deux segments humoristiques. Nantel en animait un et moi, je faisais l'autre, le segment drôle, évidemment. J'ai aussi la chance de partager la scène avec Vallière avant qu'il ne devienne le poids lourd de la chanson québécoise qu'il est devenu. C'était dans mon ancienne vie de Zapartiste. Nous avions fait une version touchante de la chanson Monsieur l'Indien de Péloquin Sauvageau au Métropolis. J'en reparle aujourd'hui et j'en ai le frisson et ce n'est certainement pas parce que je couvre un rhume. Non, messieurs, désolé. Vous êtes trop dans la force de l'âge pour que je vous rende hommage. Je vais plutôt attendre que vous mouriez pour le faire. Chose qu'on ne souhaite à personne, mais qui malheureusement finit par nous tomber dessus. Mais avant de mourir, j'espère que vous profiterez d'une retraite bien méritée et surtout bien financée. Le sujet de l'heure dans l'actualité, si on exclut bien sûr la sortie de Fatima ou de Pépin, la charte, le bon docteur Turcotte, le contrat de Piqué-Souban, la pochitude de David Dernay et le nouveau spectacle de Véro et Louis Morissette, une chose qui, en passant, on attend avec autant d'impatience qu'une coloscopie. Cela dit, après la marque Véro et le spectacle, j'ai des inquiétudes sur les défis qui pourront animer ce couple à la feuille de route pharaonique. Que leur restera-t-il à accomplir? Je ne vois rien d'autre que de devenir président des États-Unis. Je leur souhaite bonne chance. Mais en attendant, nous mortels, nous devrons bien parler du déficit des régimes de retraite des employés de la fonction publique. Un sujet plate en sacrement, on va se le dire, mais non moins essentiel, puisque selon les analystes économiques, le déficit des caisses de retraite serait une véritable épée de Périclès sur notre économie. Qui, tel Périclès, se périclite de plus en plus d'ailleurs. C'est devenu le nouveau cheval de bataille de Régis Labeaume, bien que dans son cas, on doive plus parler du poney de bataille. Mais néanmoins, le problème nous guette. Car selon Stéphanie Gramont de La Presse, le déficit planifié des régimes de retraite publics et parapublics avoisinerait les 57 milliards, une somme difficilement quantifiable en réalité, puisque des manipulations comptables que je ne résumerai pas ici, à moins de vouloir vous endormir. Mais disons qu'en gros, le déficit est difficile à quantifier, mais il est gros en verra. Mais le débat n'est pas tant savoir combien il faudra payer, mais qui paiera. Labeaume prétend que ce n'est pas à ses citoyens de payer pour la retraite des employés de sa ville, eux qui sont déjà occupés à payer les 400 millions pour un amphithéâtre avec pas d'équipe de hockey. Et pendant ce temps, les plus jeunes comme les Y et les X qui, pour la plupart, n'ont pas encore l'ombre d'un début de REER dans leur compte de banque parce qu'ils travaillent à contrat dans des conditions financières précaires, se disent que, comme d'habitude, ils vont sûrement payer pour les conneries des baby-boomers et que ça sera pas la première fois. Mais qu'arrivera-t-il si personne ne paie? Imaginez si les régimes de retraite s'effondrent. Imaginez les conséquences sur la société, tous ces chalets, toutes ces résidences secondaires, ces duplex, ces motos à trois roues, ces Miata décapotables, ces Winnebago qui se retrouveront sur le marché à des prix compétitifs afin que les baby-boomers trouvent de la liquidité pour maintenir leur train de vie. Moi, ça me briserait le cœur de voir ces gens qui ont travaillé jusqu'à 50, 55, et pour les plus courageux, 60 ans, être obligés de rester sur le marché du travail pour pouvoir garder leur mode de vie opulent. Des gens qui devront peut-être faire deux ou trois voyages de moins en Europe pour pouvoir continuer à manger 4 pas par jour. J'espère que je pourrai leur donner un coup de main en achetant un chalet à un pauvre bougre de retraité, ma petite part qui lui permettra peut-être d'avoir 2 ou 3 belles années avant que le grand rideau de la vie tombe sur lui. J'espère que le chalet ne sera pas trop loin de la maison parce qu'avec la précarité d'emploi qui me suit depuis que je suis sur le marché du travail, je ne voyage plus qu'en Bixi et les Laurentides en Bixi, c'est un peu loin pour aller au chalet. Ah, oh, merci Frédéric Savard. Écoutez, c'était pas mon sujet numéro un, mais je trouvais ça important d'en parler. Ben non, je me suis sacrifié la semaine prochaine. Ça vous êtes va, comme ça un bon vin. Vous êtes comme un bon vin ouvert trop longtemps. On sent que ça goûtait bon, mais il est plus bon. Non, mais il y a des petits bouchons à faire. On peut enlever l'air. Ouais, non, c'est ça. Au frigo. Mais 3 semaines, c'est trop tard. OK, merci beaucoup. On va aller trouver Jean-Sébastien Girard. Ah, Jean-Philippe, alors je poursuis mon projet, évidemment, de me clouer les petits oignons devant Radio-Canada. Mais évidemment, avant de me lancer, j'avais besoin d'un regard médical, évidemment. Et c'est pour cette raison que j'ai dépêché le fameux docteur Alain Vadeboncœur, qui est ici avec moi. Alors, bonjour, docteur. Bonjour, Jean-Sébastien. Oui, bonjour. Alors, dites-moi, docteur, d'un point de vue médical, est-ce que l'idée de se clouer les jumelles, c'est une bonne idée? Bien, honnêtement, la réponse est non. Mais c'est probablement l'endroit, là, quand on y pense bien, le plus sécuritaire pour se clouer au sol. Ah, quand même. Alors, concrètement, comment on fait ça, docteur? Ouais, ben regardez, il y a 3 endroits surtout où il faut pas planter le clou, ça c'est extrêmement important. Là, si vous vérifiez sur vous, il y a 3 structures importantes, 2 qui ressemblent un peu à des petits ballons de football là, puis une qui est plus longue, je sais pas si vous les sentez. Attendez, oui, j'ai ça ici. Alors les 2 qui sont blonds, c'est les testicules, hein. Là c'est les testicules là, un ou l'autre là, c'est vraiment pas une bonne idée de planter le clou dans le testicule. Ah, OK. Pourquoi? Ouais, parce que c'est extrêmement douloureux d'abord. Et le pénis non plus, surtout ça c'est la partie qui est plus longue, là, et surtout pas le gland. Hein. Il faut viser, en fait, si vous voulez le faire, puis je vous le conseille pas, hein, je vous le conseille pas, mais si vous voulez vous clouer au sol, il faut viser le sac. Évidemment, ça dépend un peu de la grosseur du sac. Je sais pas comment est le vôtre. OK, ben il est honnêtement, ouais. Mais un peu en fait, je sais pas si ça va aller. Je sais pas si. Est-ce qu'il touche le sol quand vous êtes assis généralement? Une fois sur deux. Parce qu'il y a toujours le prépuce. Je sais pas si vous êtes circoncis. Hey, ça devient long, là. On peut-tu juste comme le clouer, son affaire? Bon, mais écoutez, regardez. Pour éviter la douleur, d'abord, il faut planter le clou d'un seul coup. Il faut faire attention de ne pas se donner un coup de marteau. Écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec moi. Ça me rassure beaucoup de savoir qu'au lieu de sauver des vies, vous êtes ici en train de me parler de mes bases. On se reparle. Oui, mais rappelez-vous que je vous recommande de ne pas le faire. Il hein. faut être clair là-dessus. Merci. Ça me fait plaisir. Hey, je t'essaie écœuré d'y parler des fois. Ouais. Ça passe pas. Des fois, tu dis une semaine, il va être meilleur. Voilà, ouais. Mais non. Hey, notre deuxième invité. C'est votre humour social. Il est un peu le Bob Dylan de la chanson québécoise, mais en plus, il est romantique. C'est pour ça que la mairesse de Fermont l'adore. Voici M. Vincent Vallière! Vincent! Bonjour. Hey, merci d'être ici. Fait, ça, c'est ça. Normalement, c'est une émission d'humour politique. Là, tu nous prends un peu au dépourvu. Ouais. c'est pas supposé être de même, d'habitude. Non, mais je suis très content de recevoir Vincent Vallière. Surtout, ben, premièrement, le monstre de Fermont, comme on appelle. Oui, oui, oui. Ben, celui, la bête. Le chien sale, ouais, on va se le dire. Pour ceux qui le savent pas, Vincent a fait l'actualité récemment parce qu'il a composé une chanson sur Fermont et la mairesse de Fermont, qui a été réélue, d'ailleurs. Oui, oui, hein, oui. Franchement, on est contente pour elle, quand même. Les gens ont choisi leur camp. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ouais, ouais. Contre Vincent Vallière. Ouais. Donc, une chanson qui faisait. C'est la première fois de ma vie que je deviens un enjeu électoral. Ben, hein? C'est quand même cool, ça. En fait, t'es à Fermont, ce que je suis à Repentigny. Ouais, je sais. Ben, on a deux personnes presque identiques, là, on va se le dire. Donc, c'est ça, une chanson que les gens de Fermont ou la mairesse, en fait, n'a pas pris pantoute. Et puis tu t'es excusé. Je me suis jamais excusé. Parlons du dernier album de Vincent Vallière, oui. Fabriquer l'aube. Oui. Puis fabriquer assez rapidement, merci. Ça vient de sortir, ça fait pas très longtemps. Les oui. critiques sont très bonnes. Fabriquer vite parce que vous êtes imposé en fait 12 jours d'enregistrement pour 12 chansons. Ouais, ben ça c'est essentiellement une question de budget aussi. Là. Ah ouais. ouais. Même quelqu'un qui vend des albums comme ben, ça. On fait des disques au Québec là. Si non, on veut travailler dans des bons studios. Faut minimiser le nombre de journées. Hein. Fait qu'en 12 journées, c'est-à-dire quand vous avez commencé votre périple, il y avait zéro chanson d'écrite ou un peu? Non, mais attends, les chansons étaient toutes écrites avant de commencer là, le disque. Parce qu'il y a une histoire assez fascinante, parce qu'il y en a une que vous avez écrite le matin. Ouais, ouais. Le midi, c'était enregistré. Oui. En fait, le soir. Le soir. Ouais. C'est fast-food de la musique, ça. C'est une grosse journée, ouais. ouais, c'est vrai. Le fast-food de la musique. Ben, je sais. Hey, moi, j'en parle comme d'un moment de grande inspiration. Non, mais c'est tout comme ça, man. Moi, je suis là, j'en parle dans mes entrevues. Je me suis levé le matin. Le dernier qui a fait ça, c'est Normal Amour. Ouais, ouais, c'est vrai. ouais. Non, mais c'est. Il faisait un disque en une journée, c'est pas pareil. Ben ouais, non, c'est ouais, sûr. C'est mais quand même, genre, celui-là, c'est des même journées de 24 heures. Il faisait heures. La toune, puis il l'écrivait après. C'est ça. mais c'est ça, mais c'est un moment de grande inspiration pour toi. Oui, oui, un des beaux moments de ma vie, Jean-Philippe. Mais vous vendez encore des albums, et beaucoup d'albums, oui. Ce qui est assez rare pour un artiste au Québec d'en vendre autant. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a un secret particulier pour vendre des albums comme ça? Je dis ça parce qu'il y a Guy Nantel qui écoute attentivement à côté. Non, non, je peux tout te répéter ta question. Elle était juste pas intéressante, mais j'ai quand même écouté. Comment tu comprends qu'on n'invite pas souvent les humoristes? Hein? Non, mais il y en a qui sont fins. C'est toujours bon d'avoir un humoriste à côté quand on est chanteur. Ouais. c'est Marc Dupré. Ouais. Aïe, on n'a rien dit. Non, mais il est un peu les deux. C'est ça, oui. Non, mais comment on fait pour vendre des albums? Encore en 2013, c'est pas facile ça. Même Céline a de la difficulté ce temps-ci avec son dernier. Ben moi, je trouvais que ça allait bien cette semaine quand j'ai vu ces scams là. Je pense qu'on a vendu 80 000 au Canada. Si c'est ça. ouais, mais c'est 110 000 en fait. C'est 79 000 au Québec, 110 000 au Canada. Ok. Ouais. Ça c'est difficile ça. Ben pour Céline Dion, pour... Ouais. 89 000 aux États-Unis, quelque chose comme ça. Ah oui. Ouais. Bon, ça va pas bien. Ah ouais. Non, ça reste pas évident. C'est pas facile. J'aimerais pas ça être à sa place. On va parler des vraies affaires. Ouais. OK? Allons-y. Cette année qu'on tourne autour du pot, là. Ouais. Parlons de « On va s'aimer encore ». Allons-y, allons-y. Mais évidemment, il y a plein de gens qui vous haïssent ici parce qu'on n'est plus capable de l'entendre au mariage, ouais. Justin, là. Mais c'est une chanson qui s'est écoulée... c'est un album qui s'est écoulé à 110 000 exemplaires et au Québec, c'est assez rare. « On va s'aimer encore », ça a roulé. Il y a 2 500 000 views sur YouTube, ce qui est quand même un record pour une chanson francophone folk au Québec. Ouais, bravo, ouais, je pense merci. Que ça... Merci, gros. Les Québécois, les cousines en région aiment cette chanson-là. Ah, j'aime pas le ton. J'aime pas le ton, Jean-Philippe. Mais j'aime pas le ton. Mais je l'aime. Tout de suite. Je l'aime cette chanson-là. Mais je une chanson. Allé, Jean-Philippe. C'est une chanson qui a démocratisé Vincent Vallière. Parce que ça te fait beaucoup connaître cette chanson-là. C'est vrai. C'est est-ce que tu l'aimes autant qu'on l'aime? Oui. Oui. C'est plate, j'aimerais ça te dire non. Moi, j'en ai ouais, une autre. Ça, mais une je une l'aime autre vraiment, je l'aime vraiment beaucoup, cette chanson-là. Très fier de l'avoir écrite. Parce que c'est une chanson. De toute façon, moi, j'ai jamais compris les artistes qui ont deux, trois chansons phares, là, qui ont vendu, mettons, à plus de centaines de milliers, puis qui, après ça, font comme je l'aime pas. C'est ça qui t'a fait gagner ton pain, puis qui t'a fait faire en sorte que tu peux faire des 10 puis d'autres chansons après. Respecte au moins ton succès, tu sais. Je trouve ça drôle des chanteurs qui font comme non, je la chante pas, je l'aime pas celle-là. Si tu l'as écrite, si tu dois l'aimer un peu. Ben, je pense que j'ai rien d'autre à dire que ça. Tu vois? Mais est-ce que ça a été une inspiration? Merci, Guy. Non, mais on va se rappeler depuis l'invité, juste prendre une note. Ouais. Non, parce que des fois, on oublie, puis on réinvite, puis après ça, on se retrouve, on est assis à pas encore une dentelle. Ça nous est arrivé une couple de fois. Pas avec Guy, mais. D'ailleurs, c'est ça que tu as fait pour ton émission de TV? De? T'as décidé de pas m'inviter? Guy Nantel? Ouais. Ah non, mais on y va avec invité A, B, puis on n'est pas encore rendu assez. OK. Pourtant, c'est ce que vous avez fait avec les animateurs. C'est... OK, continuez. Il y a une tension, là. J'ai envie de m'en aller, pas de joke. Non. Est-ce qu'on pourrait revenir, est-ce qu'on pourrait revenir à mon entrevue, s'il vous plaît? On parlait, je pense, du sixième album de Vincent Vallière. C'est qui le gars qui est en deux? Mais pour en revenir... Oh boy, que je trouve ça long, cette entrevue-là. Guy, c'était une couple de questions. Merci, Jean-Philippe. C'était bien plus le fun ensemble tantôt. Ben non, c'était une couple de questions, là. Moi, j'ai de la misère à aller, j'ai pas de lunettes. Je blaguais tantôt à propos de la musique francophone, mais est-ce que, pour vrai, c'est de plus en plus difficile de survivre dans une ère où l'anglais arrive de partout? Ben, c'est une bonne question, ça. C'est une belle question. Hein? Comment on appelle ça? C'est un mini iPad? Ouais. Okay. Ouais. C'est pratique, ça. On va revenir à ton entrevue. Ouais. À quelle question je vais répondre? Là? Celle de celle-là. Ouais. C'est une bonne question. Ben écoute, chanter c'est un beau métier. Puis chanter en français, est-ce que c'est évident ou pas est-ce évident? Est-ce que tu as eu ta bière? J'ai eu ma bière. Je n'ai peut-être pas encore assez bu. Ouais. Ben, pose-moi une question. Là. Non, pose-moi une vraie question. Ça, c'est une autre bonne, je veux dire. Ouais. Ben, par exemple, OK, Louis-Jean Cormier a dit à la disque, ne vous intéressez pas à la chanson francophone par pitié. Le ratio de chansons futiles et sans contenu est le même dans toutes les langues, donc restez sélectif. On parle encore de Marc Dupré, ça n'a pas de bon sens. J'essaie. On n'avait pas besoin de revenir là-dessus. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ça n'a pas de bon sens. Est-ce qu'on est d'accord avec cette affirmation? Ça, c'est une vraie question. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Ben écoute, je sais vraiment sincèrement pas quoi dire là-dessus. C'est beaucoup trop intellectuel comme interview. Oui, il faut l'écouter par pitié, évidemment qu'on l'écoute pas par pitié. Là. j'ai une question, par exemple, pour toi. Quand vous faites la tournée de spectacle, le fait que c'est peut-être plus difficile de vendre des disques parce qu'évidemment, il y a toutes les histoires de copiage puis tout ça, mais ça doit vous rendre un sacré coup de main pour vendre vos tickets en salle quand même. Quand vous faites les gros vendeurs de disques comme toi, est-ce que ça correspond immédiatement au fait que les salles sont pleines ou il y en a qui vendent beaucoup de disques puis que c'est plus dur en spectacle? Quand tu vends des disques, je pense que c'est sûr que tu vas vendre plus de billets de show. Ça vient avec, c'est sûr. Et un gars comme toi, est-ce que ça veut dire que partout où tu passes, les salles sont pleines? Les salles sont pleines, peut-être pas pleines comme les humoristes, mais elles sont... Non, mais c'est une bonne question, ça. Les salles de Guy Nantel sont pleines à combien? Ben, c'est pas mal à 100%, je te dirais. Mais 100%, ça égale combien de personnes? Ben, ça dépend. Si tu joues une salle de 1000, il y en a 1000. Si tu joues une salle de 800, il y en a 800. J'ai 20 ans là. En moyenne, Guy Nantel. C'est combien de gens qui remplissent une salle? Les salles au Québec, en général, en dehors de Montréal, sont à peu près entre 700 et 1000. C'est plein? Oui, pas mal. Il y a peut-être juste Sherbrooke, Maurice-Aubrédé, qui est genre à 1700. Là, on va vendre à 1200, mettons. Mais je te dirais que c'est beaucoup de monde. Puis je me suis toujours demandé ça, moi, les chanteurs à succès, est-ce qu'ils vendent aussi bien que les humoristes à succès? Peut-être qu'ils passent moins souvent, parce que nous autres, des fois, on passe 3-4 fois dans la tournée, on fait une rotation. Peut-être que vous passez moins souvent, mais j'imagine que les salles sont pleines quand même. Oui, les salles sont pleines quand même, mais on passe effectivement peut-être moins souvent que quand vous vous installez. Deux, trois jokes entre les tunes, déjà, ça te rendrait un petit, une coupe de billets plus vendue. ça dépend quel joke, prend pas nécessairement les conseils de Guy. quel album viens-tu de sortir? Fabrique et l'aube, mon sixième album. C'est le sixième album? C'est mon sixième album. Il y a 12 pièces là-dessus. 12 pièces là-dessus, oui. Une écrite en une seule journée. En une seule journée, 12 chansons. Oui, 12 chansons. C'est un peu le normal amour, on va retenir ça. T'es le normal amour du folk québécois. Ouais. Merci beaucoup. Ça te reste avec nous, hein? Je reste, Jean-Philippe. Parce que tu vas probablement être le. Ouais. Par courtoisie, là, Fred, c'est pas. Mais il va rester le buffer entre Guy et moi. Oui. Et ça, je pense que c'est essentiel pour tout le monde. Mais, prends une autre bière, ça va faire du bien à tout le monde. Oui. On va aller parler maintenant à Olivier Niquette, prochain chroniqueur, Fred. Les extraits de la radio Jambon qu'il nous offre chaque semaine sont aussi addictifs que du crack et nous escortent com jusqu'au fou rire. Voici la chronique d'Olivier Niquette. C'est vraiment très drôle. Ben, grosse semaine à l'Assemblée nationale, à commencer par la proposition d'Amir Kadir de resserrer la loi sur le lobbyisme. Sauf que cette diabolisation des entreprises a mis Mario Dumont en beau maudit. Le fondement de ça, et c'est ça qui m'énerve, c'est que l'activité privée, les entreprises, font le mal. C'est sûr que toutes les entreprises recherchent le profit, mais ils cherchent le profit en... Je sais pas, moi, les entreprises, là, dans ma vie, moi, les entreprises avec qui je fais affaire, ben, il y en a une qui fait du profit en nettoyant mes vêtements. Ça s'appelle nettoyeur de buanderie. Ah, le puissant lobby de la buanderie. Sauf que pendant qu'un blanchisseur chinois, c'est dur à dire, lave les bobettes de Mario, peut-être qu'il y a des minières chinoises qui nous font perdre notre chemise. Il me semble que c'est plus important. Sinon, la nouvelle de la semaine, ben, c'est bien sûr le tweet de Denis Coderre à propos de David Desharnais. Pourtant, vendredi dernier, Denis avait une bonne solution pour le joueur de Canadien. David, là, il va avoir besoin là, qu'on y fasse un gros câlin, là, Desharnais. Là. Vous avez eu le temps de suivre ça malgré la campagne? Oui, ben oui. Et... on peut marcher de la gamme marche en même temps. Ben oui, on peut suivre le hockey puis faire une campagne électorale en même temps, comme on peut suivre le hockey puis s'occuper des cônes oranges. Vous répondez à quoi, par exemple, à des gens qui nous disent « Laissez Marc Bergevin faire sa job et vous, arrangez-vous des cônes oranges et des trous autour du Centre Bell. » Est-ce quand même marcher de la gamme marche en même temps? Tout à fait. Ben moi aussi. En fait, la seule chose que Denis fera pas, c'est de s'excuser. Regarde, je suis pas pour revenir en arrière. Là. Quand le tube est sorti là, de la pâte à dents, tu ne le remets pas dedans. Quand le tube est sorti de la pâte à dents. Denis, si j'étais toi, là, je ferais attention à mon dentifrice parce qu'avec toute la gomme que tu mâches, tu risques d'avoir des caries. Reste qu'avec tout ça, les experts sportifs comme Martin Lemay de Radio Énergie ont eu très, très peur que le public comprenne que pas mal n'importe qui est capable de faire leur job. Denis Coderre et son commentaire stupide sur Twitter... Ça se fait pas. C'est comme si Joël Legendre faisait un blog sur l'haltérophile. Il disait à Bruno Gérard comment forcer. T'sais? C'est comme si moi, je faisais des blogs sur la bonne nutrition. Voyons donc, tout le monde le sait que je mange comme un pied de céleri. Ce raisonnement de pied de céleri a de quoi surprendre de la part de Martin Lemay, puisqu'avant de gagner un concours à CKC Sport en 2006, il était vendeur de chars. Faut croire qu'un vendeur de chars peut parler de sport, mais pas un maire. De son côté, l'humoriste Sugar Sammy a publié une affiche où il disait à la blague préférer Rob Ford à Pauline Marois. Sylvain Bouchard de Cogeco, lui, ben, il préfère Rob Ford pour vrai. Oui, Rob Ford se détruit, mais Pauline Marois nous détruit. Demain matin, je préfère être dirigé par Rob Ford que Pauline Marois. Sans queue ou avec non, queue? Non, avec queue. Avec queue. Ah, avec queue, oh, phew! Dès qu'il aura réglé ses problèmes de drogue, de boisson, de violence, de poids, de prostituée et de transpiration, je vote Rob Ford pour économiser 152$ de taxes. Dans le même ordre d'idées, Patrick Lagacé écrivait cette semaine une chronique sur les Ontariens qui ne savent pas boire. Une chronique qui a bien plu à Martin Paquet de Radio X Montréal. D'habitude, ces articles dans le journal La Presse, je lis les 3-4 premières lignes, puis je sais que ça pognera pas, ça ne m'intéressera pas vraiment. Sauf qu'un matin, ça m'a intéressé. Parce que pour probablement la première fois dans ma vie, j'étais d'accord avec Lagacé. Or, justement, les 3-4 premières lignes de cette chronique expliquaient clairement que l'article était une parodie. Faut dire qu'on a un problème de littératie au Québec et Martin Paquet le démontre bien puisqu'il est allé jusqu'à contacter un journaliste ontarien, Martin Patriquin, pour en parler. Les Anglais de l'Ontario, ils savent pas boire. Mais évidemment, la chronique de Patrick était quand même une blague. Il dirait ça dans la. Je pense pas que c'est une blague. Moi, je suis pas mal sûr. Tu sais, quand c'est écrit ça, c'est une blague, ben c'est un bon indice. Et comme tout est dans tout, ce même Martin Patriquin publiait cette semaine un texte d'opinion dans le New York Times comparant le PQ au Tea Party, ce qui a bien insulté le co-animateur de Jeff Fillion. Mais la seule chose qui a été retenue, c'est la comparaison au Tea Party. Et ça, pour nos journalistes gauchistes, c'est du salissage. Alors que c'est beaucoup plus l'inverse. Du salissage quasiment pour le Tea Party. Voilà, le Tea Party, pas mal moins pire que le PQ, qui joue sur l'identité plutôt que de s'occuper d'économie. Pourtant... Le Parti québécois pourrait parler d'économie et d'identité. On peut marcher de la gomme en même temps. Hey, c'est viral, hein, cette expression-là. Denis a fait trender ça, là. Alors, en conclusion, oui, on peut parler économie et identité tant qu'on les mélange pas avec Canadiens. Ah, merci, Olivier! Hey! Parce que je lisais ce qui s'en venait, puis comme on le sait, je suis pas capable de marcher de la gomme en même temps. Oui, hey, on va aller retrouver notre ami Kevin Gosselin du Radio X Jazz. Vous écoutez Radio X Jazz, la radio qui bûche les itinérants. Toujours à l'écoute de l'émission Des airs d'Ariane, Kevin Gosselin au microphone avec vous pour les 48 prochaines heures, mais je préfère vous dire pour les deux prochains jours, ça donne l'impression que ça passe plus vite et c'est comme ça que je réussis à passer au travers. Mais ça pourrait être pire. Je pourrais faire de la radio aux Philippines en ce moment. Cela dit, je n'adhère pas à l'approche de plusieurs Philippes qui dénoncent le manque de support de la communauté internationale pour leur venir en aide. Le libertarien en moi a envie de leur dire d'arrêter de se plaindre de la lenteur des gouvernements. Je trouve que pendant qu'ils se lamentent, ils perdent une excellente occasion de se retrousser les manches et de se bâtir une reconstruction. Je pense que les Philippes devraient cesser de vivre dans le passé. Ils devraient s'enlever les mains de devant les yeux, se boucher le nez et ne pas avoir peur de faire des vagues pour se rebâtir une nouvelle vie. Je me rappelle quand mon beau-frère Chuck a eu des problèmes avec sa sump-pump dans son chalet à Saint-Gédéon-de-Bellechasse. Ce n'était pas jojo. Les meubles du sous-sol flottaient, sa télé à cristaux liquides était pas mal liquide, mais on n'a pas attendu que le gouvernement nous appelle. On a pris le John Deere, on a rasé le chalet et on en a construit un plus beau. Mais les Philippines sont visiblement un peu comme le Québec, hein, quand vient le temps des révolutions, on préfère les lacs à l'épaule pépère aux tsunamis vecteurs de changement. On va y aller en musique, cette fois-ci avec un peu de rhythm and blues, afin d'accompagner tous les Philippes qui nous écoutent peut-être. Alors voici James Carr et son succès de 1966, Pouring Water on a Drowning Man, sur les ondes du Radio X Jazz de 91,1 blanc. Oh, on va aller trouver Jean-Sébastien Girard avec le sourire, Jean-Sébastien. Ah, Jean-Philippe, déjà ma dernière intervention aujourd'hui. Ben oui, ça passe vite. C'est épouvantable, ça y est, je suis sur le parvis de Radio-Canada, ça y est. J'ai les amourettes bien clouées au sol. J'essaie d'obtenir des réactions des passants. Évidemment, il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. On est vendredi à Radio-Canada, il n'y a à peu près personne. Attendez. Ah, il y a quelqu'un ici qui passe. Madame! Mon Dieu, Jean-Philippe, mais c'est génial, la porte-parole de Semaine Québec, qui revient tout juste de se montrer le poitrail au Palais des Congrès pour soutenir les Amérindiennes. Bonjour, madame! Bonsoir. Mon Dieu, parlez plus fort, on vous entend pas. Bonsoir. Très content de vous voir ici. Vous êtes peut-être la mieux placée pour m'aiguiller dans ma démarche. Vous, qu'est-ce que vous pensez de ça, l'idée de se clouer au sol les noisettes pour changer de monde? Ben, ça prend des couilles pour faire ça. Je vous regarde me regarder avec un peu de désir dans les yeux et je suis extrêmement mal à l'aise parce que sachez qu'il n'y a absolument rien de sexuel dans mon action. Si vous voyez du sexe ici dans ma nudité, c'est que vous avez un problème. Moi, je manifeste comme ça, entre autres, pour me réapproprier mon corps dans une époque où la société a décidé d'instrumentaliser le corps des hommes. J'espère que c'est clair pour vous. Ouais, mais premièrement, il n'y a pas de désir dans mes yeux. Je pense pas que votre action en tant que telle a lien avec une sexualité masculine ou l'instrumentalisation de l'homme. Parce que... Pas encore drôle. Ah non, mais votre action n'est pas instrumentalisée comme celui de la femme. Non, vous avez peut-être raison. Merci beaucoup d'avoir pris la peine d'être avec nous. Je vous rends votre liberté à vous et vos lolos. Et on se retrouve très bientôt. Merci. Vous êtes excellent. Ah, voilà, Jean-Philippe. Et moi, je vous rappelle que je reste devant Radio-Canada ici jusqu'au deuxième recontage de Philippe Stop. On va venir vous porter de la bouffe. Bye! Fred, notre dernier chroniqueur. Notre correspondant parlementaire analyse le branding politique de nos élus cette semaine. Voici donc la chronique de Jean-Philippe Cipriani. Je vais garder mes pantalons, Jean-Philippe. Oui, ben du contenu, ce sera pas de tard, cette émission-là. Ben un peu, hein. Ouais, ouais, ouais. Grosse semaine pour vous. Vous revenez de Toronto pour vrai. Parlant de contenu, hein. Ouais. Oui, oui. Oui, je suis allé dans la capitale canadienne du vice pour voir si effectivement on y mangeait convenablement, hein, comme son maire le dit. Ouais. C'est pas concluant. Hein? En tout cas, je sais pas où il mange, lui non plus d'ailleurs. Mais qu'est-ce que vous voulez, la mémoire à court terme. Mais ce qui me frappe avec Rob Ford, c'est qu'il y a un problème de mise en marché. Ah oui? Ouais, il a voulu exploiter d'abord le potentiel du viral avec ses vidéos où il fume du crack, ouais, fait des menaces de mort. Mais non, même si Bruno Landry faisait des commentaires avec son habituelle finesse humoristique, puis ses voix méconnaissables à drôle de vidéos, là, ça rachèterait pas. Non, mais c'est ça, c'est parce qu'il refuse de démissionner et ce, même si l'affaire Guy Turcotte vient nous rappeler que la défense de Drunken Stupor n'est pas admissible. Hein, ça, c'est clair. J'en viens donc à la mise en marché, Jean-Philippe. Rob Ford vient de lancer sa figure. Bobblehead. Oui. Hein? Il en est fier. Hein? Il est très loin cette époque où on était en calvaire parce qu'on se faisait traiter de tête de slinky. Maintenant, on en est très, très fier en politique. Et il y a des dizaines de Torontois qui ont fait la file pour mettre la main sur la bébelle en plastique qui donne un aperçu de l'état de la tête de Rob Ford après une bouffée de crack. Hein? Personnellement, je trouve qu'il y a de la malhonnêteté intellectuelle là-dedans parce que, et physique aussi, parce qu'elle est très, très mince, la poupée, tandis que le maire Rob Ford a plutôt une face de poupée boutchou. Et si on veut représenter Rob Ford en figurine, c'est davantage une poupée gigogne, hein, une poupée russe, pas pour la vodka, là, mais une poupée russe. Oui. T'as un Rob Ford, oups, qu'est-ce qu'il y a dedans? Un gars sur le crack, oups, qu'est-ce qu'il y a dans le gars sur le crack? un alcoolique, whoop. Dans l'alcoolique, un client d'escorte, whoop. Dans le client d'escorte, un hystérique, whoop. Dans l'hystérique, un inconscient, whoop. Dans l'inconscient, il n'y a rien. On comprend. Mais, okay. Mais peut-être qu'il devrait prendre exemple sur la mise en marché qu'on a ici. Pas sûr, parce dire, que les bobbleheads sont fabriqués en Chine, ce qui nous ramène à Justin Trudeau, hein, qui admire la Chine et qui dit, je cite, que la dictature de base permet à la Chine de virer son économie de bord sur un dissous. Dissous étant à peu près le salaire quotidien des fabricants de bobblehead là-bas. Et Justin Trudeau qui lui aussi pose un autre problème de mise en marché avec son invitation à des mesdames dans un cocktail. Mesdames, vous êtes invitées à vraiment apprendre à connaître le futur premier ministre. Si Rob Ford avait fait ça en campagne électorale, on l'aurait dénoncé. Ce qui démontre que l'apparence joue entre Justin et Rob Ford, c'est 16 poids, 2 mesures, je pense. Justin Trudeau peut se dévêtir élégamment pour des défilés de mode, des combats de boxe. On applaudit. Si Rob Ford le fait, on l'arrêterait pour grossière indécence. Ou ouais. Les amateurs de boxe s'interrogeraient sur le retour sur le ring de Butterball. Et... Soyons fous, est-ce qu'il aurait pu s'inspirer un peu de Pauline Marois et de l'infopub que s'est payé avec Yves Desgagnés? Ça pourrait être une solution pour vendre. Je suis pas sûr. Yves Desgagnés, avant ça, avait fait de grandes œuvres. Hein. On se souvient de Roméo et Juliette, son rôle dans Les Machos. Il était juge dans De 0 à 1000 aussi, hein, avec Maë Paiement. J'ai comme l'impression que la première, pour lui, c'est payé avec nos taxes. C'est sonne plus comme une dernière. Mais il y a un autre problème de mise en marché au PQ, c'est Bernard Drinville. Hein? T'as des petites lacunes en matière de placement publicitaire quand tu décides de photocopier ta carte professionnelle dans un feuillet paroissial après avoir mis le Québec à Jeannette et à Saint, là, et de le faire dans la paroisse de Saint-Antoine de Padoue, le patron des choses perdues. Ouais. Je trouve que ça en dit beaucoup. La CAQ, eux, ils ont manqué une belle occasion de mise en marché. Elle célébrait hier ses 2 ans. Ah, mais oui, comme ça qu'il n'y a pas eu de fête d'aparté, rien. Ben, je comprends pas. Il s'est tellement passé de choses. Ben c'est devenu une force politique majeure, incontournable. Je pense que François Legault devrait investir dans une bobblehead. Personnellement, je pense que ça serait une très bonne idée. Merci beaucoup, Jean-Philippe Tupriani. Merci beaucoup. C'est déjà terminé pour cette semaine. Vous restez à l'écoute, c'est la bibliothèque de René qui est ce qui suit à l'instant. Et merci à toute l'équipe, Marie-Hélène Racicot, Jean Gagnon, Steve Côté, Philippe Roberge et le grand Alex Courteau. Un gros merci à nos invités de ce soir. Guy Nantel, on parcourt la province et on va voir sur le site web de guynantel.com pour les dates de spectacle. Que rajouter de plus? Absolument rien. Vincent Vallière, le 6e album de Vincent Vallière, s'intitule Fabriquello. Fabriquello, sur lequel on peut retrouver la chanson Fermont, hein, pour lequel il ne s'est jamais excusé. Non. Seulement à noter. On achète le 6e album de Vincent Vallière qui est excellent. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce soir. Vous réécoutez notre balado en vous rendant sur notre site web. Vous venez assister à l'enregistrement. C'est les vendredis à 16h. Envoyez-nous un courriel, on vous réserve une place. La semaine prochaine, nos invités François Pérus et Bruno Blanchet. Ici Jean-Philippe Vautier qui vous souhaite de profiter de cette soirée qui est encore jeune.